c'était des gens qui n'étaient pas syndiqués, qui n'étaient pas organisés. De temps en temps, ils criaient parce que. Et puis, ou alors il y avait des types comme ce père de Star Guillaume, qui était le copain de mon frère, qui était un laïc et qui travaillait chez une manufacture, qui était vernisseur. Il vernissait toute la journée. Il avait verni et il a verni. Et un beau jour, un type est venu, un autre patron est venu et lui a offert. Je sais plus, un sou de plus par violon pour les vernir. Et il a été voir son patron et il lui a dit, vous m'avez, on m'offre un sou de plus pour vernir les violons. Alors l'autre lui a dit, mais si tu veux, moi je te les donne. Il a dit, non, depuis des années, vous m'avez volé un sou par violon, je ne travaille plus pour vous. Ce qui l'a obligé à déménager des têtes de là. Parce qu'il avait de l'asthme, ce type. Il est obligé de déménager pour se rapprocher de son nouveau patron. Tu te rends compte les frais que ça entraînait, pas les frais, parce qu'on déménageait à bras, on déménageait dans les charrettes, quoi. Mais enfin, le temps à toi, il n'a pas hésité à déménager, mais c'était des types comme ça, tu sais, tu les faisais pas des morts.